Le Salon Noir. Je l'ai rencontré pour la première fois il y a bien longtemps, dans une contrée désormais totalement contrôlée par Daesh, où un autre drame, le massacre par des Marines américains de 24 civils irakiens en 2005, donnera naissance à un film, Battle for Adida. En 1983, sur les rives de l'Euphrate, nous fouillons alors la ville paléo-babylonienne de Kerbet Eddiniyé, Aradoum. Chaque tablette d'argile exhumée est instantanément apportée à Francis Johannes, épigraphiste, qui à la pause nous en fait lecture. J'ai ainsi appris que la maison en cours de fouille était la demeure de Yashputadou, que celui-ci, vers 1800 avant notre ère, venait de porter plainte contre le maire de la cité pour détournement de fonds publics, abus de biens sociaux. Francis Johannes, bonjour. Bonjour. Passé par le CNRS, le PHE, puis l'Université de Paris 8, vous voici directeur de la plus importante unité de recherche archéologique, l'UMR Arscan, basée à Nanterre. Vous êtes surtout professeur d'histoire ancienne à l'Université de Paris 1, où vous enseignez l'histoire des langues proche-orientales, mais aussi l'histoire mésopotamienne, les rapports entre Bible et Mésopotamie. Nous en reparlerons. Francis Johannes, vous êtes aujourd'hui le représentant d'une science peu connue, maîtrisée par une poignée de chercheurs de par le monde. L'épigraphie orientale a-t-elle encore de l'avenir ? Bien, je dirais plus que jamais, dans la mesure où nos horizons s'ouvrent, en particulier en histoire ancienne, bien au-delà de la Méditerranée, surtout le Proche-Orient, et le Moyen-Orient et même l'Extrême-Orient. Et donc, c'est le moment de faire appel au trésor, disons, de ces textes que l'on a découverts depuis maintenant un peu plus d'un siècle au Proche-Orient. Le recrutement s'opère ? Les savoirs ne se perdent pas ? On essaye de faire en sorte, effectivement, de continuer à former des jeunes épigraphistes. Ça n'est pas toujours très facile parce qu'il faut leur donner la possibilité de travailler sur des tablettes et donc de les envoyer dans des musées ou sur le terrain, ce qui malheureusement est de plus en plus difficile. Il y a combien à peu près d'épigraphistes en France ou de par le monde, spécialisés bien sûr sur cette Mésopotamie qui nous intéresse aujourd'hui ? Alors sur la Mésopotamie au sens strict, je dirais qu'il y a une trentaine de spécialistes en France et à peu près 300 à 400 dans le monde entier, mais répartis de manière très inégale, évidemment, la majorité en Europe occidentale, aux États-Unis, un certain nombre encore au Proche-Orient, et notre horizon d'avenir, eh bien, c'est l'Extrême-Orient, avec une communauté japonaise d'assyriologues qui est en plein développement, et puis la Chine qui s'ouvre également à cette discipline. Et quels sont les thèmes de recherche principaux ? On travaille sur quoi quand on est épigraphiste ? Bien sûr, sur des textes cunéiformes, mais qu'est-ce que l'on cherche ? Alors, on a évidemment ce qui a intéressé au tout début, c'était ce qui était de nature culturelle, religieuse, essayer de retrouver, reconstituer des grands textes. Et puis, on s'est rendu compte qu'on avait un véritable trésor sous la main avec ce que Jean Bottero appelait nos plus vieux papiers de famille, et donc la possibilité de reconstituer des archives familiales, des archives de grands organismes, des temples, et de faire ainsi de l'histoire telle qu'on ne peut en général la faire qu'à l'époque moderne ou contemporaine, c'est-à-dire avec des grandes séries documentaires que l'on peut chiffrer, que l'on peut utiliser, pour lesquelles on peut reconstituer donc des grandes tendances économiques. Alors des archives, des bibliothèques, il en existe bien sûr, et des formidables. Je pense pour mémoire Ebla, Marie, tout ça en Syrie, mais il y a aussi toute l'Irak. Oui, alors évidemment, on pense tout de suite à ce qu'on a baptisé au 19e siècle la bibliothèque d'Assurbanipal, la bibliothèque de Ninive, qui était censée être le pendant aux bibliothèques d'Alexandrie ou de Pergame du monde classique. Mais on a quelquefois des surprises, puisque uniquement en travaillant sur les inventaires de musées du British Museum et la date à laquelle sont arrivées les tablettes au British Museum, on a pu ainsi reconstituer, il y a une dizaine d'années, l'existence d'une bibliothèque à Babylone qui n'avait jamais été fouillée et qui n'est connue que par les tablettes qui ont été trouvées par des fouilleurs clandestins du XIXe siècle. Francis Johannes, vous, au niveau champ chronologique, vous vous intéressez surtout à la période de 2005 à moins 90 avant notre ère, c'est bien ça ? Disons pourquoi ? Oui. C'est la période par excellence où on trouve des documents écrits, donc ça définit déjà assez fortement le champ lui-même. Enfin, des documents écrits en cunéiforme, naturellement, puisque quand on étudie le Proche-Orient, en particulier au premier millénaire, on se rend compte qu'il y a eu toute une documentation écrite en araméen sur des supports qui ont malheureusement disparu et que donc on ne possède plus là qu'une partie seulement de la tradition écrite. Francis Johannes, aujourd'hui l'épigraphie vit une sorte de révolution structurelle. Désormais, l'édition savante et confidentielle cède le pas à de nouvelles pratiques en épigraphie. Et j'ai eu la chance de pouvoir en suivre à peu près toutes les étapes, puisque j'ai commencé en étudiant des tablettes que l'on recopiait à la main, d'abord au crayon et ensuite en encrant les dessins et puis en les publiant sous cette forme d'autographie. Les clous. Et voilà les fameux clous. Et il faut bien dire que le passage à la photographie numérique a été une véritable révolution avec la possibilité donc de reproduire beaucoup plus facilement qu'auparavant les documents cunéiformes et donc de les diffuser de manière beaucoup plus étendue que ça n'était de jusque dans les années 80 ou 90. Donc on peut penser qu'il y a un partage entre chercheurs de l'ensemble des données, que l'on trouve beaucoup de choses sur Internet par exemple. Alors c'est tout le problème, arriver à la fois à maîtriser le flux, disons, des informations, faire en sorte que ça ne soit pas redondant ou répétitif. Et puis, certains chercheurs gardent un peu la main sur les documents qu'ils utilisent, donc arriver à les persuader que la mise sur Internet, par exemple, peut être une façon d'intéresser aussi, non seulement leurs collègues, mais également le grand public. Faisons un peu d'actualité. On apprenait récemment que Daesh détruisait les remparts de Ninive, bien sûr, haut lieu de l'histoire mésopotamienne dans le nord de l'Irak. On peut donc s'attendre au pire de cet iconoclasme ? C'est quelque chose qui malheureusement a commencé dès la guerre du Golfe avec les pillages au musée de Bagdad dont on a beaucoup parlé. Et puis un phénomène qui est moins apparent mais qui a été peut-être beaucoup plus néfaste, c'est la mise en coupe réglée des sites archéologiques sur toute l'étendue de l'Irak. Et le phénomène commence à se répandre maintenant en Syrie qui a causé finalement des dommages peut-être encore pires. Et où évidemment, là, ça n'est pas l'aspect idéologique qui est en cause, c'est le pur profit et le fait de trouver des antiquités, tablettes cunéiformes ou objets qui sont ensuite revendus dans le marché des antiquités. Des tablettes dans le musée de Bagdad avaient été pillées particulièrement ou... Alors, quelques-unes seulement parce que la direction des antiquités et les services du musée avaient pris leurs précautions et avaient emmagasiné toutes les tablettes dans les sous-sols avec des accès qui étaient gardés, enfin qui n'étaient pas évident, ce qui fait que l'essentiel a été préservé. Depuis 1990, la Mésopotamie est donc pillée. Voyez-vous apparaître sur le marché des textes cunéiformes fraîchement sortis de terre ? Oui, et malheureusement, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des flux qui passent par un certain nombre de points névralgiques, en particulier en Europe, où les tablettes sont revendues, et elles sont achetées en général par des collectionneurs. Elles ne sont plus, comme c'était le cas au XIXe siècle, par des grandes institutions ou par des musées, mais il y a maintenant des collectionneurs privés qui ont les moyens d'acheter des lots importants de tablettes, et il faut répéter que c'est quelque chose de dommageable dans la mesure où souvent les lots de tablettes ont été trouvés réunis, formant une archive ou formant un groupe significatif. Et quand ils partent comme ça sur le marché, ils explosent en quelque sorte. Et après, on ne sait plus du tout comment réunir les ensembles de ce qui était une archive unique au départ. On peut évaluer donc ce pillage. Ces tablettes sont très très fréquentes. En quantité, il peut y avoir, oui, des ensembles assez importants. Cela dit, bon, quand c'est un ensemble économique ou administratif, on peut très bien avoir un groupe de 100 ou 200 tablettes qui sera évidemment intéressant du point de vue de l'information, mais qui ne sera pas l'équivalent d'un extrait de l'épopée de Gilgamesh, par exemple, qui va être une seule tablette, mais qui aura un intérêt culturel et scientifique supérieur. Alors, doit-on publier ces textes pillés ? Un problème d'éthique existe, semble-t-il ? La question se pose, alors elle se pose de manière générale pour toutes les antiquités, mais particulièrement pour les tablettes, puisqu'il y a un contenu enfin, dans ces textes qui est immédiat. Et c'est vrai que là, il y a toujours débat sur le fait de savoir... Est-ce que en publiant ces textes, on ne suscite pas ou on n'alimente pas une recherche ultérieure de nouvelles antiquités ? Et d'autre part, est-ce que toutes les connaissances que l'on peut appréhender avec ce genre de publication, ça n'est pas le moment où la tablette passe, qu'il faut l'utiliser parce qu'après elle repart dans le marché et quelquefois elle risque de disparaître. Donc là, il y a un vrai problème qui est à la fois scientifique, éthique, moral. Ce que l'on essaye de faire, c'est de concilier, disons, un peu l'inconciliable, c'est-à-dire de faire en sorte que l'apport scientifique soit mis à la disposition de la communauté savante le plus rapidement possible, et en même temps de récupérer, quand c'est possible, les textes et de les restituer au pays d'origine. Vous avez, vous, traduit des textes dont on pouvait penser qu'ils aient été pillés ? Oui, ça m'est arrivé effectivement de voir passer dans une collection privée des textes, bon, dont l'intérêt était manifeste, enfin, et qui ont apporté à ce moment-là une connaissance tout à fait intéressante, en particulier les tout premiers éléments d'un lot d'archives qui vient de sortir tout récemment et qui sont les archives cunéiformes d'une partie de la communauté judéenne déportée en Babylonie par Nabucodonosor en 587, qui y avait fait souche et qui s'était installé dans un petit village donc, dont on ne connaît pas la localisation exacte, mais qu'ils avaient baptisé du nom de la ville de Jérusalem. Donc il y avait une Jérusalem en Babylonie, correspondante de la Jérusalem de Judée. C'est un épisode extrêmement important pour l'histoire tant du monde juif que du monde mésopotamien. On sait que c'est dans le cadre de cette déportation que c'est mis en place probablement la rédaction ou la mise par écrit, la constitution par écrit de la Bible. Donc ça a une grande importance culturelle et que d'autre part, cette communauté judéenne déportée a gardé son identité, ses référents et a pu ainsi subsister jusqu'à l'arrivée de Cyrus qui a permis à la communauté de repartir. Mais une grande partie, en fait, sont restées et ont constitué la communauté juive d'Irak qui a été présente jusqu'au XXe siècle. Il y a aussi de nouveaux manuscrits concernant l'épopée de Gilgamesh. Alors ça, c'est la grande épopée mésopotamienne. C'est dans une grande collection effectivement privée d'un collectionneur qui s'est attaché justement à trouver des documents un peu exceptionnels. Et on a vu ainsi, à la suite de fouilles faites, semble-t-il, dans le sud de l'Irak après la guerre du Golfe, donc de fouilles clandestines, apparaître des exemplaires de haute époque, du début du deuxième millénaire, de l'épopée de Gilgamesh et qui ont considérablement accru notre connaissance et qui ont pu être jointes à la dernière édition en date, qui est celle de Andrew George, donc qui a rajouté toute une série d'éléments à ce que l'on savait de la version traditionnelle de l'épopée. Quoi exactement, puisque cette épopée est quand même la plus ancienne épopée du monde ? Toute la première partie, celle qui montre, enfin, ou qui décrit les exploits de Gilgamesh lorsqu'il se rend dans la forêt des cèdres sur le mont Liban. Où, rencontrer l'Umbaba. Voilà, rencontrer le monstre qui garde les cèdres et qui s'appelle Umbaba et qui est le prototype, pourrait-on dire, du dragon gardien de trésors. Fait avec des viscères de mouton. Voilà, absolument. Donc, il y a une tête monstrueuse et qui pétrifie absolument tous ceux qui le voient. Donc, Umbaba est abattu par Gilgamesh et son ami Enkidu, qui s'empare ainsi des cèdres et les ramène pour la première fois en Mésopotamie. France Culture, le Salon Noir. Vincent Charpentier. Francis Johannes, en tout cas, à l'exception d'Erbil, la Syrie et l'Irak sont désormais totalement fermés aux archéologues. N'est-ce pas l'occasion de redécouvrir quelques trésors conservés dans nos musées ? Effectivement, disons que c'est le... Je ne dirais pas, j'irai pas jusqu'à dire le bon côté des choses, mais enfin un aspect un peu positif de la situation, c'est que on a reporter notre attention sur les réserves des musées, des grands musées occidentaux. Il ne faut pas oublier qu'à la fin du XIXe siècle, quand on a commencé à redécouvrir la Mésopotamie, ce sont des dizaines, voire des centaines de milliers de documents qui ont été achetés à ce moment-là et transférés par les Britanniques au British Museum de Londres et par les Allemands, lorsqu'ils fouillaient à Babylone, au Pergamon Museum de Berlin. Ah justement, au Pergamon, on aurait retrouvé des choses récemment. Donc, au Pergamon, c'est à la suite de la réunification allemande. Vous voyez que ça ne date pas tout à fait d'hier. C'est même un processus un peu plus long. Mais à la suite donc de la réunification allemande, le musée de Berlin, qui était jusque-là dans la partie est de la ville, a fait l'objet d'une rénovation. Et à cette occasion-là, on a remis un peu de reporter l'attention sur les réserves en matériel de ce musée. Alors, on connaissait évidemment la porte d'Ishtar, qui avait un peu focalisé l'attention au tout début, mais on s'est rendu compte que les fouilles de Babylone avaient produit un nombre important de tablettes cunéiformes qui étaient restées pratiquement inconnues ou très peu exploitées jusque dans ces années récentes, où un catalogue a été fait, où on s'est rendu compte que pour l'époque néo-babylonienne, celle du 8e, 6e siècle avant notre ère, eh bien, on a un nombre assez important de tablettes cunéiformes, en particulier venant du palais de Nabucodonosor. Au British Museum, on a vu récemment la publication d'une tablette tout à fait étonnante, paléo-babylonienne, évoquant l'Arche de Noé. Oui, c'est l'un des conservateurs, Irving Finkel, qui l'a étudié de façon toute particulière. Alors, il y a retrouvé évidemment les grands thèmes que l'on a dans la version standard de l'épopée de Gilgamesh, puisque c'est le moment où le dieu Ea descend sur terre pour avertir son protégé qu'un déluge va s'abattre et qu'il doit construire une embarcation qui lui permettra de s'échapper. Donc, le texte paléo-babylonien commence par les mêmes paroles, mais ensuite les instructions sont tout à fait différentes de ce que l'on connaissait dans l'épopée traditionnelle de Gilgamesh. Dans cette épopée, on conseillait donc à Utanapishtim de construire une embarcation qui avait une forme parfaitement cubique, avec 60 mètres de côté et 9 étages. Et là, la surprise de Finkel a été de découvrir que l'embarcation qui devait être construite était en fait le correspondant de ce qu'on appelle les koufas ou les koufs en Irak, c'est-à-dire une espèce de grand panier rond, mais avec des dimensions effectivement correspondant là aux besoins de ce survivant du déluge. Et on parle bien sûr de bitume, on parle de tout ça, de la manière dont sont construits ces bateaux. Absolument, les instructions sont très précises, puisque on cite le matériau, la quantité de bitume à y appliquer, et Finkel a donc fait de l'archéologie pratique, puisqu'il a fait reconstruire, en suivant les instructions de la tablette, l'équivalent de cette arche, entre guillemets, et il a ensuite navigué avec pour voir si elle pouvait flotter. Ce qui est étonnant, c'est que ces 60 lignes de cunéiformes évoquent l'arche 1000 ans, bien avant donc le livre de la Genèse. C'est alors donc... on peut penser à une filiation, bien sûr. La question se pose effectivement de savoir, est-ce que c'est une influence, est-ce que c'est une filiation? Il y a manifestement, dans ce qui est raconté dans la Bible d'un côté et dans l'épopée de Gilgamesh, parmi d'autres, de l'autre, des éléments communs. Donc on peut penser à un fond culturel commun qui apparaîtrait dans l'un et dans l'autre cas. Mais cela dit, les épisodes que l'on trouve dans l'épopée de Gilgamesh sont tellement précis, en particulier après le déluge, le fait que le survivant ouvre l'une fenêtre de l'arche et en fait partir des oiseaux qui volent, reviennent, et puis jusqu'au corbeau qui disparaît. Là, il y a une similitude, disons, qui fait que manifestement, là, l'épisode de Gilgamesh a été réutilisé et réinterprété directement dans la Bible. Est-ce que l'Arche de Noé n'est-elle pas un vrai fantasme d'archéologue? Le déluge aussi, d'ailleurs. Certains y voient la mer Noire, d'autres y voient bien entendu le golfe arabo-persique. Ah ben, vous savez que le mont Ararat, sur lequel est censé avoir échoué, l'Arche de Noé a fait l'objet de fouilles archéologiques depuis la plus haute antiquité, jusqu'à nos jours d'ailleurs, et qu'on y a trouvé suffisamment de bois attribué au reste de l'Arche pour construire un immeuble de je ne sais pas combien d'étages. Et manifestement, c'est quelque chose qui a toujours intéressé. Dès les fouilles de Our dans les années 20, on avait essayé de trouver des traces du déluge dans les niveaux archéologiques de la ville de Our. Et à un moment, on a bien cru effectivement les avoir identifiés, jusqu'au moment où on s'est rendu compte que historiquement, ça ne pouvait pas correspondre. Mais il faut quand même signaler que dans la description qui est donnée du déluge, en particulier dans l'épopée de Gilgamesh, le cadre géographique, celui d'une plaine complètement noyée sous les eaux, est précisément celui de la Mésopotamie, quand elle subit ou quand elle subissait les crues de l'Euphrate et du Tigre. D'autres liens entre Mésopotamie et textes bibliques existent-ils ? Alors, on a pu identifier ainsi un texte babylonien qu'on a appelé le Job babylonien, qui décrit les malheurs d'un individu qui est frappé par toute une série de maladies et qui garde quand même sa confiance dans son Dieu. Et puis, il y a effectivement toute une série de rapprochements ou de points communs qui montrent qu'il y a une forte parenté entre l'Est et l'Ouest du Proche-Orient, entre Mésopotamie et monde biblique. Peut-être lié justement à l'arrivée de populations juives à Babylone ? On pense qu'il est très probable que, disons, une partie de ce qui existait déjà de proto-épisodes bibliques ont été quand même fortement influencés parce que les Judéens ont vu à Babylone. Il ne faut pas oublier par exemple que des noms comme Esther se correspond à l'Ishtar babylonienne, que Mardoché de la Bible, c'est une transposition du dieu Marduk. Donc il y a des points de rapprochement qui sont patents pour cette époque-là. Francis Johannes, je rappelle pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture que vous êtes épigraphiste, professeur à l'Université de Paris 1, où vous enseignez l'histoire ancienne de la Mésopotamie, l'histoire des langues anciennes du Proche-Orient. Faisons un bref rappel. On le sait peu, le quatrième millénaire avant notre ère est un temps fort de l'histoire de l'humanité, la naissance des villes, surtout l'écriture, notamment à Uruk. Oui, donc à Uruk, dans l'extrême sud de la Mésopotamie, pas très loin du golfe Persique, c'est là que pour le moment on a retrouvé les traces les plus évidentes et les plus anciennes d'un système d'écriture, alors qui est un système pictographique, qui fonctionne par des dessins, dont on n'est même pas sûr d'avoir identifié la langue qu'il pouvait reproduire. On suppose que c'est du sumérien, parce qu'Uruk a été ensuite une grande ville sumérienne, mais ça n'est pas encore absolument sûr. Ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est le fait que si Uruk a manifestement été un foyer culturel dans lequel s'est développée une tentative d'écriture qui a ensuite donné l'écriture cunéiforme sur argile, ça n'a pas été le seul lieu où des gens ont pensé à élaborer un système graphique comme celui-là, et que donc sur l'ensemble du Proche-Orient, aussi bien dans l'Iran du Sud-Ouest, la région qu'on appelle l'Elam, que probablement en Haute-Mésopotamie, il y a eu des essais similaires. Et d'autre part, on a remarqué que l'apparition de l'écriture en Égypte et en Mésopotamie est pratiquement contemporaine, avec un débat évidemment sans fin entre égyptologues et assyriologues pour savoir quelle est la contrée qui a vu le premier système d'écriture. Mais il y a eu à cette époque, à la fin du quatrième millénaire, manifestement un foyer, enfin, ou une ambiance culturelle qui a provoquer l'émergence de l'écriture. En tout cas, Francis Johannes, les textes que vous étudiez sont d'une grande diversité. Vous êtes par exemple penché sur des textes néo-babyloniens évoquant les enfants. Quel est le statut de ces enfants dans le monde mésopotamien ? Bien, les enfants, déjà, on se pose la question quand on constate qu'ils sont cités ou ils sont identifiés par leur taille. C'est-à-dire qu'on ne dit pas qu'un enfant a 3 ou 4 ans, on dit qu'il mesure telle ou telle hauteur. Et donc, évidemment, ça relativise un peu les relations familiales. Cela dit, c'est évidemment aussi une question de rapports sociaux. L'épigraphie des genres est aussi possible. Qu'en est-il du rôle économique des femmes dans le monde néo-babylonien ? Alors c'est quelque chose qui m'intéresse tout particulièrement et qui a donné lieu depuis 2 ans à un programme de recherche commun entre nous-mêmes à Nanterre et puis des collègues japonais, où on s'est penché justement sur notre appréhension respective du rôle de la femme en Mésopotamie, en se disant que peut-être qu'entre Français et Japonais, on n'avait pas, dès le départ, la même vision de ce que pouvait être le rôle de la femme dans la famille. Et c'est tout à fait intéressant d'essayer de reconstituer, justement, à partir des archives cunéiformes mésopotamiennes, eh bien, la place qu'occupe la femme, et où l'on voit que ça dépasse très largement le simple rôle de maîtresse de maison ou de personne chargée de gérer les intérêts économiques de la maison. Les femmes sont dans les temples, par exemple. On trouve aussi des femmes dans les temples, alors surtout à l'époque paléo-babylonienne, où elles ont un statut, on les qualifie de religieuses, parce que manifestement elles n'ont pas un statut de prêtre, mais elles jouent un rôle manifestement très important en entrant dans une communauté de religieuses par une espèce de cérémonie de mariage avec le dieu en particulier, le dieu Shamash, le dieu de la justice. Francis Johannes, disons-le aussi, vous travaillez sur les belles-mères. Oui, alors je participe actuellement à un projet particulièrement intéressant d'une de mes anciennes collègues de l'Université Paris 8 sur l'histoire des belles-mères à travers l'histoire et on découvre que les belles-mères mésopotamiennes tiennent tout à fait leur place dans cette série et qu'on y trouve des choses particulièrement intéressantes sur les rapports entre belle-mère et gendre ou belle-mère et belle-fille. C'est-à-dire ? Des querelles ? Quelques querelles, mais la plupart du temps quand même des relations apaisées et puis quelques textes de procès où on règle des comptes de façon virulente et qui évidemment montre que à travers les siècles, ce genre de rapports familiaux est resté à peu près constant. Jean Bottero s'était penché sur la cuisine mésopotamienne. On se souvient de ces petits oiseaux à l'étouffée. Vous êtes intéressé, vous avez regardé les banquets des rois, les nourritures des dieux ? Oui, le système du culte, en particulier à l'époque néo-babylonienne, est tout à fait intéressant puisqu'il consiste à nourrir les dieux. Et on sait par exemple que la déesse Ishtar, la statue de la déesse Ishtar à Uruk, consomme chaque jour l'équivalent de la nourriture de 200 personnes. Donc ça génère des repas qui sont des repas luxueux qu'il faut préparer. Donc il y a tout un système économique et évidemment ensuite une présentation, une vaisselle, un rituel tout à fait approprié. Donc c'est intéressant à étudier aussi bien du point de vue culturel sur les pratiques religieuses et les conceptions religieuses que sur les conséquences économiques d'un tel fonctionnement. Et puis vous êtes aussi intéressé à l'argent des dieux babyloniens. Et oui, parce qu'ils brassent de l'argent. Voilà, les temples sont des organismes économiques extrêmement riches au 6e siècle qui ont des revenus propres, qui reçoivent évidemment des offres en particulier de la part du roi, et qui font vivre la plupart du temps les villes dans lesquelles ils sont implantés et en représentent le moteur économique. Peut-être 2 mots aussi sur le sort des malades, qui est assez intéressant avec des pratiques curieuses en l'absence de médecins, du moins d'après Aristote. Alors, selon les Grecs, en effet, les malades étaient pratiquement exposés en place publique et chaque personne qui passait devait donner son avis. En fait, on constate qu'il y a une médecine et une pharmacopée babylonienne qui sont tout à fait à même de les soigner avec des recettes, des ingrédients qui sont parfaitement maîtrisés. Francis Johannes, tous ces textes sur lesquels vous vous êtes penché ne sont-ils pas d'une étonnante actualité ? Au travers des questions et réponses des hommes, rien ne semble avoir changé depuis 5000 ans ? En deux mots. C'est ce qu'on se dit quand on a les tablettes dans les mains et qu'on les lit, qu'on retrouve effectivement de grandes lignes de notre propre fonctionnement social. Mais en même temps, je voudrais terminer là-dessus, certains textes nous montrent une distance mentale, enfin une vision du monde qui est radicalement différente de la nôtre. Et c'est à la fois un obstacle et en même temps une incitation à poursuivre plus loin pour essayer de reconstituer donc cet univers mental des Mésopotamiens d'il y a 4000 ans maintenant. Francis Johannes, merci. Le Salon Noir a été réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Emmanuel Smors d'Incan, attaché d'émission Catherine Denet.